passe mon temps à chercher deux choses, l'inspire et les bifetons. J'ai pour vocation d'être chef, mais je te parle pas d'être cuistot. Je suis tombé dans le rap par hasard, j'avais à peine 13 piges. Quelques années plus tard, on me qualifie d'MC de prestige. Les premières rimes sont aussi marrantes qu'une bande de Jamel. Mais nous, quand on parlait de CC, c'était truc au Chanel. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Nos jours, les bons rappeurs sont rares comme un keuf honnête. Savoir est une arme, je vais investir dans un bazooka. On baiser le rap français dans toutes les poses du Kama Sutra. Je rappe les sons comme je les sens, tu la caisse pas tant pis. J'ai les boîtes le soir, se voir d'un piètre apprenti. Mais non, je suis pas un ancien, mais j'ai le cul entre deux bords. Et je suis sûrement pas de ceux qui ont la bouche entre deux glands. J'ai la musique dans la peau, je vais me tatouer une clé de sol. Ouais, je frime, ouais, je suis l'un des meilleurs rappeurs de l'Essonne. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Tu ne manges pas de porc, mais tu rappes quand même comme un cochon. Moi je kick pour de vrai, je vais pas plaire ni. Tu connais pas le code du rap, tu veux déjà le permis. Je n'ai rien à t'envier, je vois janvier à janvier. Si tu vois un membre de l'ISM, c'est que forcément y'a danger. Car c'est impressionnant sans forcer. Car c'est impressionnant sans forcer. ISF, la puissance se résume en trois lettres. Tu serais la chiasse, je serais la chasse, il rap était des toilettes. Comme d'hab, je suis à l'aise sur n'importe quel BPM. Non pas style comme un costard avec une paire de TM. Je prends ma revanche dans le rap vu que j'étais pas le meilleur à l'école. Je vise tellement le sommet que je me fais baquer par les étoiles. Sans rentrer par la petite porte, moi je veux défoncer le portail. Les gens mentent, mais pas les textos de jaloux sur les portables. Je remercie tous mes agents pour toutes ces captures d'écran. Mais quand ça va péter, on verra qui joue les grands. Ne prends surtout pas ma gentillesse pour une faiblesse. Ton flow pue la merde, tu devrais le parfumer aux fébraises. Dès que tu grimpes, les gens cherchent à te descendre. Les petites fiottes jactent de janvier à décembre. Tu me voulais pas ce morceau, on connaît tous les raisons. Un sou plus brut, ouais ça donne toujours de dangereuses liaisons. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Tu ne manges pas de porc mais tu rappes quand même comme un cochon. Moi je kick pour de vrai, je vais pas me plaire ni. Tu connais pas le code du rap, tu veux déjà le permis. Je n'ai rien à t'envier, je vois que je viens à janvier. Si tu vois un membre de l'ISF, c'est que forcément y'a danger. Car c'est impressionnant sans forcer. Car c'est impressionnant sans forcer. Flynn se faisait rare pour produire l'effet d'une Ferrari. Moi je me fais rare comme les victoires de l'OM face à Paris. C'est même plus un train d'avance que j'ai, c'est une gare. J'ai peur des filles comme Marine Le Pen a peur des frères Bubba. La fille suit son cours et moi je continue de rapper. Ta fille suit son pouce et moi je continue de gratter. Ouais ouais faire des marmots, c'est vrai faut que j'y pense. Baiser les insultes suffira pour assurer ma descendance. Ma descendance, assurer ma descendance. Impressionnant sans forcer. ISF impressionnant sans forcer. On ne mélange pas les serviettes et les torchons. Tu ne manges pas de porc mais tu rappes quand même comme un cochon. Moi je kick pour de vrai, je vais pas me plaire ni. Tu connais pas le code du rap, tu veux déjà le permis. Je n'ai rien à t'envier, je vois que je viens à janvier. Si tu vois un membre de l'ISF, c'est que forcément y'a danger. Car c'est impressionnant sans forcer. Car c'est impressionnant sans forcer. Monsieur X Marco Dren. Impressionnant sans forcer. Cru, check Ahmed. Impressionnant sans forcer. Checky l'Empereur Dynamo. Impressionnant sans forcer. Beps, Black D. Impressionnant sans forcer. BM 78 Impressionnant sans forcer. 91 Corbe. Impressionnant sans forcer. Dac et nos juges. Impressionnant sans forcer. 91 220 Impressionnant sans forcer. Pachera, LFC, tous les soldats qui me soutiennent, les murs du saut et Brunet, Ouja la prod, Ouja la prod.